aussi large que celui qui la sépare d'un nègre du Zululand. Il faut bien qu'elle se le dise que livrer sa fille à un de ces hommes, c'est la livrer à la pire des mésalliances et dégrader indignement son propre ouvrage. Sa responsabilité en pareille matière est d'autant plus lourde que les jeunes filles dans nos mœurs françaises sont absolument hors d'état de prendre une part sérieuse au choix de leur mari. À bien peu d'exceptions près, elles aiment d'abord de confiance celui qu'on leur désigne pour fiancé, parce qu'elles lui prêtent toutes les qualités qu'elles lui souhaitent. C'était donc à juste titre que Madame de La Tourménil se préoccupait avec anxiété de bien marier sa fille. Mais ce qu'une honnête et spirituelle femme, comme elle l'entendait, par bien marier sa fille, on aurait peine à le concevoir si l'on ne voyait tous les jours que l'expérience personnelle la plus douloureuse, l'amour maternel le plus vrai, l'esprit le plus délicat et même la piété la plus haute, ne suffisent pas à enseigner aux mères la différence d'un beau mariage et d'un bon mariage. On peut au reste faire l'un et l'autre en même temps, et c'est assurément ce qu'il y a de mieux. Mais il faut prendre garde qu'un beau mariage est souvent le contraire d'un bon, parce qu'il éblouit et qu'en conséquence, il aveugle. Un beau mariage pour une jeune personne qui doit apporter, comme Mademoiselle de La Tourménil, 500 000 francs de dot à son mari, c'est un mariage de 3 ou 4 millions. Ah, véritablement, il semble qu'une femme peut être heureuse à moins. Mais enfin, on avouera qu'il est difficile de refuser 4 millions quand on vous les offre. Or, en 1872, le baron de Morescan en offrit 6 ou 7 à Mademoiselle de La Tourménil par l'intermédiaire d'une amie commune qui avait été sa maîtresse, mais qui était bonne femme. Madame de La Tourménil répondit avec la dignité convenable qu'elle était flattée de cette proposition, et qu'elle demandait néanmoins quelques jours pour y réfléchir et pour s'informer. Mais aussitôt l'ambassadrice hors de son salon, elle passa chez sa fille en courant, l'attira follement sur son cœur et fondit en larmes. « Un mari, alors ?» dit Jeanne en fixant sur sa mère ses grands yeux de feu. La mère fit signe que oui. « Mais quel est ce monsieur ?» reprit Jeanne. « Monsieur de Morescan. Ah, vois-tu, ma fillette, c'est trop beau !» Habituée à regarder sa mère comme infaillible et la voyant si heureuse, Mademoiselle Jeanne n'hésita pas à l'être aussi, et les deux pauvres chères créatures échangèrent longtemps leurs baisers et leurs pleurs. Pendant les 8 jours qui suivirent et que Madame de La Tourménil crut sincèrement consacrée à une enquête sérieuse sur la personne de Monsieur de Morescan, elle n'eut guère en réalité d'autre préoccupation que de fermer ses yeux et ses oreilles pour ne pas être dérangée dans son rêve. Au surplus, elle reçut de sa famille et de ses amis des félicitations si enthousiastes au sujet de ce mariage magnifique. Elle eut tant de dépit et de jalousie dans les yeux des mères rivales qu'elle eut tout lieu de se fortifier dans sa détermination. Monsieur de Morescan fut donc formellement agréé. Ah, il se fait des mariages plus ridicules. Par exemple, ceux qui se concluent au jugé, après une entrevue unique, dans quelque loge de théâtre, entre deux inconnus qui plus tard se connaîtront beaucoup trop. Du moins, Madame de La Tourménil et sa fille avaient quelquefois rencontré dans le monde Monsieur de Morescan. Il n'était pas de leur intimité, mais elle l'avait vu çà et là au spectacle, au bois. Elle savait son nom et connaissait ses chevaux. C'était quelque chose. Monsieur de Morescan n'était pas au reste sans présenter quelques apparences spécieuses. C'était un homme d'une 30aine d'années qui menait avec un certain éclat la haute vie parisienne. Il tenait son titre de son grand-père, général sous le Premier Empire, et sa fortune de son père, qu'il avait conquise honorablement dans l'industrie. Lui-même occupait, grâce à son nom décoratif, quelques agréables sinécures dans de hautes sociétés financières. Fils unique et millionnaire, il avait été fort gâté par sa mère, par ses domestiques, ses amis et ses maîtresses. Sa confiance en lui-même, son aplomb convaincu, sa grande fortune imposaient au monde, et il ne manquait pas de gens qui l'admiraient. On l'écoutait dans son cercle avec un certain respect. Blasé, sceptique, railleur froid et hautain de tout ce qui n'était pas pratique, profondément ignorant d'ailleurs, il parlait d'une voix grasse et forte, avec autorité et prépondérance. Il s'était formé sur les choses de ce monde, et particulièrement sur les femmes, qu'il méprisait quelques idées assez médiocres, qu'il érigeait en principe et en système, simplement parce qu'elles avaient l'honneur de lui appartenir. « J'ai pour principe. Il entre dans mes principes. J'ai pour système. Voilà mon système. » Ces formules revenaient à toute minute sur ses lèvres. Ah, s'il fût né pauvre, il n'eût été qu'un homme ordinaire. Mais riche, c'était un sot. Le choix que ce personnage avait fait de Mademoiselle de la Tourménil peut surprendre au premier abord. C'était de sa part avant tout un trait de haute vanité, et c'était aussi un calcul. On vantait dans le monde parisien Mademoiselle de la Tourménil comme une jeune personne accomplie. Habitué à ne rien se refuser et à primer en tout, il lui parut glorieux de se l'approprier et de mettre à son chapeau cette fleur rare. De plus, il avait pour principe que le vrai moyen de n'être pas malheureuse en ménage, c'est d'épouser une jeune fille d'une parfaite éducation. Le principe n'était pas mauvais en soi, mais ce qu'ignorait M. de Morescan, c'est que pour arracher une de ces plantes choisies de la serre chaude maternelle et la transporter avec succès sur le terrain du mariage, il faut être un horticulteur de premier ordre. Physiquement, M. de Morescan était un grand et beau garçon, un peu haut en couleur et d'une élégance un peu lourde. Fort comme un taureau, il paraissait désirer d'accroître indéfiniment ses forces. Il jonglait le matin avec des haltères, faisait des armes, se plongeait deux fois par jour dans l'eau glacée, et développait avec orgueil dans des vestons collants un torse suisse. Tel était l'homme à qui Madame de la Tourménil jugea heureuse et sage de confier la destinée de l'ange qui était sa fille. Elle avait, il est vrai, une excuse qui est celle de bien des mères en pareil cas. Elle était un peu amoureuse de son futur gendre, à qui elle savait un gré infini d'avoir distingué sa fille. Elle le trouvait supérieurement intelligent et spirituel pour avoir su apprécier l'esprit de sa fille. Elle le trouvait honnête homme et délicat pour avoir préféré dans la personne de sa fille la beauté et le mérite à des avantages plus positifs. Quant à Jeanne elle-même, elle était naturellement disposée, ainsi que nous l'avons dit, à adopter en toute confiance le choix de sa mère. Elle était en outre, comme toutes les jeunes filles, toute prête à enrichir de son fonds personnel le premier homme qu'on lui permettait d'aimer, à le parer de sa propre poésie, à refléter sur lui sa beauté morale et à le transfigurer enfin de son pur rayonnement. Il faut convenir aussi que M. de Morescan, une fois admis à faire sa cour, eut une tenue, des procédés et un langage qui répondaient passablement à l'idée qu'une jeune fille peut se faire d'un homme amoureux et d'un homme aimable. Tous les fiancés qui ont du monde et une bourse bien garnie se ressemblent volontiers. Les bonbons, les bouquets, les bijoux leur composent une sorte de poésie suffisante. De plus, les moins romanesques sentent d'instinct qu'il faut faire en ces occasions une certaine dépense d'idéal, et il n'est pas rare d'entendre des hommes s'exalter poétiquement devant leur futur, pour la première fois et pour la dernière fois de leur vie, comme on parle une langue particulière aux enfants et aux petits chiens dont on veut gagner la faveur. Cette phase d'illusion et d'enchantement se prolongea pour Mademoiselle de la Tourménil à travers les magnificences de la corbeille jusqu'aux douces splendeurs du mariage religieux. En ce jour suprême, agenouillée devant le maître-autel de Sainte-Clotilde, sous la lueur stellaire des cierges, au milieu des buissons de fleurs qui l'enveloppaient, la main dans la main de son époux, le cœur débordant de piété reconnaissante et d'amour heureux, Jeanne Bérangère toucha le ciel. Il n'est pas téméraire d'affirmer qu'au-delà de ces heures charmantes, le mariage n'est plus pour les trois quarts des femmes qu'une déception. Mais le mot déception est bien faible quand il s'agit d'exprimer ce que peuvent ressentir une âme et un esprit d'une culture exquise dans l'intimité conjugale d'un homme vulgaire. Sur la façon de plaire aux femmes et de les attacher à leur mari, M. de Morescan avait des principes qu'il serait difficile de formuler convenablement. On en aura dit assez et trop en laissant entendre que pour lui, l'amour n'étant autre chose que le désir, la vertu des femmes n'était autre chose que le désir assouvi. M. de Morescan se trompait de date. Il aurait pu avoir raison dans ses théories à cet âge lointain du monde où l'homme et la femme se distinguaient à peine de l'ours des cavernes. Mais il oubliait trop qu'une jeune Parisienne, polie par la civilisation et affinée par la plus délicate éducation, ne cesse pas assurément d'être une femme, mais qu'elle cesse absolument d'être un animal. Et si elle retourne à l'état sauvage, ce qui n'est pas sans exemple, c'est son mari qui l'y ramène.